Ok, donc on est parti pour le débriefing du scénario Le siège de Normont-Ferrand. C'était la deuxième partie, on l'a joué en deux fois. Donc je suis avec toujours avec Sylvain et Turiane. Et donc voilà, on a fait une partie de quoi 2 heures. On a joué 2 heures. Et donc on va commencer par la question habituelle. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc tu m'as demandé de répondre en premier, donc je vais le faire. Bah moi ça va bien. Écoute, je suis bien content d'avoir joué, d'avoir terminé le scénario. Comme il reste, vu l'heure, j'ai pas voulu commencer le scénario suivant. C'était bien de terminer là. Et puis bah j'ai pas besoin de grand-chose à part de débriefer tout simplement. Voilà, Sylvain ou Turian, comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Moi ça va bien. Enfin, les choses qu'on a mal au jeu, mais. Pardon. Voilà. Il y a déjà des mouchoirs. Toujours. Des bons mouchoirs. Ça va bien. Je suis content de la tournure, en tout cas, Ah, désolé, hop, c'est bon. du personnage tel qu'il tourne. Pour mettre les choses un peu dans leur contexte, j'ai dû changer de voix. Donc, de Qui voix est VOIE. VOIE. Le personnage que j'incarne a dû changer de voix et du coup, je suis content du fait qu'elle aille un peu plus vers le côté obscur, mais pas que. Voilà, elle a des obsessions qui vont caractériser son histoire. Sans pour autant que ça la fasse devenir Méchante. obsédée, voilà. Enfin, en tout cas, Bah oui, surtout que tu as choisi la voix du c'est peut-être cercle trop d'eau. noir qui est. On fait de la magie noire, mais c'est censé être neutre. Après, est-ce que c'est une fable que les Korax se racontent ou est-ce que c'est vrai, ça? On verra au fur et à mesure. Mais c'est vrai que tu aurais pu choisir la voix de Choubni-Gourat où on était là direct. Je sais pas si c'était dans le camp du méchant, mais dans le camp du sauvage, en tout cas à fond, quoi. Elle avait besoin de se venger suite à ce qui s'est passé, un petit coup de trigger warning avec, voilà, Ouais, avec trigger warning, torture. torture, voilà, avec ce qui s'est passé dans le campement des écorcheurs. J'ai eu le sentiment qu'elle avait besoin de se venger et donc d'employer tous les moyens à sa disposition, y compris via le savoir d'un de ses ancêtres, et de plonger dedans pour satisfaire sa vengeance. Et d'avoir également vu ses anciens compagnons se faire torturer. Parce que ça m'évoque là, parce que du coup, Erin départait dans la voie de l'extase, et qui est une voie qu'il faut accéder à la connaissance, en fait, avant d'avoir un avis philosophique sur le monde, quoi. Il faut accumuler des expériences, des connaissances, et tu l'avais joué comme étant, on va dire, tu la décrivais comme innocente, on peut aussi la décrire comme neutre, c'est-à-dire, étant assez naïve, tout ça, puis. À apprendre, à expérimenter des choses. Et puis, en fait, maintenant qu'elle a expérimenté les sentiments jusque les plus négatifs, quoi, la douleur et puis la vengeance, tout ça, étant passé. Et je trouve que ça, plus le passage dans le voile de la cercle noire, c'est un peu le passage à l'âge adulte du perso, quoi. C'est ça parce que, bon, en plus, au quatrième scénario, c'est a priori un personnage, car en tout cas, puisque c'est une Korax, ça ne lui aura pas vu en tout cas une échelle humaine. Oui, bien sûr. Donc, je trouvais important qu'elle puisse vivre des tas de choses différentes. Et que, voilà, en tout cas, c'est un choix qu'elle a fait. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a jusqu'au bout de ce cercle noir, je ne sais pas, mais alors, en tout cas, je pense qu'elle en a eu marre de se faire bolosser. Parce que tout ça, parce qu'elle était sympa, un peu innocente, etc. Et avoir envie de faire le bien pour les autres, elle s'est fait bolosser, ça c'était la fois de trop, je crois. Dans le sens où elle n'a fait que réagir pour protéger jusqu'ici, que ce soit lors des sièges précédents, que ce soit lors de la course à travers la forêt. Elle a fait que réagir avec sa sympathie habituelle. Là, non, il ne fallait pas lui demander ça, il fallait qu'elle trouve d'autres éléments. Donc, moi, je vais bien, j'ai besoin de rien qui n'a à voir avec le jeu. voilà. Hâte de la suite, voir comment est-ce qu'elle peut se comporter maintenant qu'elle a mis le pied là-dedans, dans un autre contexte, maintenant que le siège est fini. Je suis content également du fait d'avoir trouvé une espèce de dynamique avec le personnage de Turian, Néné. On a pu trouver une dynamique qu'on n'a pas eu depuis longtemps, étant donné les différents traumas que Néné a pu subir. Bah, c'est vrai que Néné était vraiment sur la pente détachement émotionnel, enfin qui a continué à explorer quand même dans ce scénario-là. Mais d'une certaine façon, je pense quand même que les deux persos sont rapprochés. Le fait que tu t'es mis à la magie noire, bah, du coup, ça t'a rapproché de Néné qui justement est sorcière, quoi. Et puis qu'il n'y a plus que vous deux au final. Parce que du coup, Ça. à tous les PNJ qui vous accompagnaient sont morts ou disparus, quoi. Et vous vous retrouvez vraiment tous les deux, quoi. Donc vraiment sur le noyau, quoi. C'est ça. C'est tout pour moi. Bon, là, je trouve ça dur, hein. Je me suis peut-être détachée là, un peu émotionnellement parce que Néné, ça devient un perso vachement violent et qui du coup s'est éloigné de moi en tant que personne, en tant que joueuse. Donc je crois que là j'ai mis un petit séparateur mais qui ressemble du coup un peu au détachement que Néné peut bel et bien avoir. Ouais, elle est arrivée quand même assez loin dans la haine, dans le fait, du coup, là oui, c'est plus que du détachement, quoi. C'est vrai que quelque part, c'est peut-être un autre lien qui est apparu, autour de un peu comme cette reconnaissance, en fait, dans la haine que Erin voilà, expérimentait, ce que Néné aussi avait. Et en effet, peut-être une voie qui se tourne plus vers la magie, d'en pratiquer quelque part, avec les objets mémoriels. Ça faisait partie plus peut-être de ton quotidien que du mien. Oui. C'est peut-être l'occasion en effet Se retrouver là-dessus. de se retrouver là-dessus. Après, pour la première fois aussi, Erin m'a fabriqué les deux objets mémoriels. Je pense que tu as bien voulu aussi que je te les fasse, parce que d'habitude, c'était non, j'ai besoin de rien. Ouais. Mais là, quand même, Voilà, tu même si es un dans la détachement. fonte un peu plus vulnérable, quoi. C'est vrai que quelque part, ouais, même s'il y avait nettement moins d'émotions chez Néné, le fait d'avoir recréé et tout de suite sacrifié, c'était ça, son corbeau d'ombre, ouais, ça ne l'a peut-être pas la laissé quand même indifférente. Il y a eu peut-être un comme un électrochoc. Je sais pas si ça a enlevé. L'encéphalogramme plat qu'elle peut avoir, mais il y a un truc qui s'est passé. Là, c'est encore tout récent, donc je ne sais pas trop ce que ça pourra faire. À voir, je pense, en effet, avec les prochains événements. Après, Parce là, que là, on se on faisait a. bolosser par les événements quand même. Oui. Là, on vient de finir un arc hein, qui est grosso modo les écorcheurs versus la milice, quoi. Donc, on va peut-être repartir vers des choses plus nuancées, peut-être avec, du coup, ben, retrouver un petit peu peut-être de PNJ auxquels on peut s'attacher, enfin, de choses un peu plus positives. Hein. Je ne vous promets pas que ça va être un lit de rose hein, de la campagne. Mais. Je pense que là, émotionnellement, on a 112. Je pense que vous avez traversé le plus dur, quoi. Enfin, je sais ça. C'est moi J'en qui. veux plus. Vous n'êtes pas sorti de l'enfer, hein. Mais sans doute, vraiment, je pense que les situations les plus blasantes sont quand même déjà arrivées. Et là ouais, j'ai eu l'impression que ouais, Kenny se faisait vraiment balloter dans tous les sens et il n'y avait qu'un. C'était à peine une réaction aux événements qu'elle se prenait dans la tronche. Bah, et en plus, c'est vrai que Ça me donnait la cette situation de impression-là. siège et de bataille fait aussi que Par rapport à la dernière partie, tu as quand tu même peux été avoir peut-être le moins sentiment de grain apathique. de sable, quoi. Ouais. Ouais. Bon, par rapport à la dernière partie, tu as quand même Ouais. été moins apathique. Pourtant, dans des choix assez extrêmes, quoi. Ouais, mais moi je dirais. Ouais, mais c'était pragmatique, tu faisais des Ouais. choix un petit peu for the greater good, quoi, entre Ouais. guillemets, quoi. Ouais, je pense que le fait que tu. Quand on s'est séparé la dernière fois, tu t'es dit, oui, mais j'en ai pas grand-chose à péter des haines qui se fait capturer. Et finalement, quand tu rentres, quand tu débouches dans le souterrain, tu te dis, merde, faut que j'y retourne. Merde, faut que j'y retourne, et pourtant, je suis tellement traumatisé d'avant que j'ai plus la possibilité de parler. Et en fait, tu vis un traumatisme, je vais pas dire que tu vis un traumatisme comme d'un ou un autre, mais en fait, à un moment donné, la situation t'échappe tellement que tu n'es plus tourné vers toi-même. En tout cas, que ton personnage fasse le choix de ben, je peux plus en fait n'écouter que moi ou je peux plus faire des choix que pour moi. Chose, et c'est marrant parce qu'on fait un peu les vases communicants, c'est-à-dire que du coup, moi juste après, c'est pas que je m'en renferme, mais en tout cas, le personnage devient obsessionnel, un peu. Et même si coup sur coup, tu prends effectivement deux chocs qui sont dus à ce qui s'est passé avec la mort de la nouvelle créature que tu as pu générer, je pense que l'enchaînement des événements avec la contradiction qu'il peut y avoir à l'intérieur, t'a obligé à te positionner. Alors que dans Scénario précédent et celui d'avant, t'étais pas obligé de tout ce qu'on a passé à Normand-Florent, t'étais pas obligé de te positionner. T'as pu aller vers oui, ça, ou le moindre mal, etc. Alors que là, il faut que tu choisisses en fait, et sans avoir de refuge. Après, bon, en tant que joueuse aussi, j'ai fait un choix, comme tu disais, là, au niveau du souterrain, j'ai fait un choix en tant que joueuse. Fallait que je joue avec toi. Je me suis dit que je pouvais pas non plus jouer le parce que théoriquement, en effet, le seul lien qui devait me rester, c'était plus avec l'enfant de la femme oiseau. Mais aussi, je pouvais pas non plus enfin, te laisser claquer entre les mains des écorcheurs et ne plus avoir Mais qui... aucun jeu Ouais, ensemble, mais quoi. c'est pas faux par rapport au fait qu'on disait que j'étais enfin, que Irine était encore le seul lien qui restait à mener. Après, j'ai trouvé ça intéressant, enfin, le fait en effet que tu bascules, enfin que ton personnage lui-même bascule. Oui, ça m'a donné peut-être plus envie de me raccrocher. Enfin, là, pour le coup, Néné avait plus envie de se raccrocher à toi que quand tu essayais de venir en fait la chercher. C'est vrai que tu as fait office peut-être d'appât à la haine que tu as ressentie, car moi je disais, ah bah non, voilà. Ah! Voilà, elle a Copine dans la compris. haine. Copine dans la haine, t'en as un que t'as envie de buter, je vais t'aider pour ça, quoi. C'est vrai que sur ça, derrière, même si au départ j'ai fait un choix en tant que joueuse, je pense que derrière, ce qui t'est arrivé a fait office De d'aimant, justification. ouais, d'aimant pour l'aîné. C'est vrai. Du coup, je vais passer à la deuxième question du briefing. C'est est-ce que vous avez une scène fétiche, une scène où vous avez envie de nous reparler? Attends, mets en pause le temps que je réfléchisse à la question. Ou tu couperas au montage, peut-être. Voilà, on va essayer d'éviter de faire du montage. Moi, j'ai plusieurs scènes qui m'ont marqué. Le fait, alors, qu'il vienne se fasse écorcher. Parce que je me suis vraiment dit, là, elle va y passer. Que Néné vienne à sa rescousse ou pas, parce que c'était pas sûr que Néné vienne d'ailleurs. Je me suis dit, C'est OK pour perdre Erin. Ça m'ennuie, mais c'est OK. Et j'étais tellement content qu'elle s'en sorte vivante que je me suis dit là, ça va pas se. Enfin, il faut que je fasse quelque chose pour contrebalancer la. Je vais pas dire la peur que j'ai eue de la perdre, mais en tout cas, effectivement, là, ça va pas se régler comme ça me Ouais, du grave, coup, ça c'est comme ça passe. que tu as développé le petit arc de la C'est vengeance ça. contre Et qui m'a Pistache, ton tortionnaire, beaucoup fait plaisir. quoi. Hein, méfiez-vous des goupilles. Ça m'a fait très très plaisir de le torturer dans un espèce de chamanisme vaudou, d'espèce de rituel de torture à distance. Ça m'a fait très très très plaisir de le faire. Voilà, l'histoire du duel aussi. Il y a quelques scènes, le duel, Ouais, quand vous avez la torture dans les deux arbitre, sens. quand vous avez triché pour influencer un duel entre le chef des Non, miliciens et le chef des écorcheurs. c'est ça. Et la torture, effectivement, dans les deux sens. Ouais. Celle qu'Irine a subie et celle qu'Irine a faite. La torture magique ensuite que tu as fait subir à Pistache, ouais. C'est ça. Ça m'a. Voilà, ça m'a. Ça me fait plaisir. Voilà, on va pas du tout sortir cette phrase de son C'est contexte. ça. Du coup, ça se recoupe. C'est vrai que tu disais que Néné a peut-être été moins détaché sur cette partie-là du scénario que celui d'avant. Et c'est vrai que là aussi, à pas sortir de son contexte, j'ai jubilé de te voir torturer Pistache à distance comme ça et de voir monter en fait cette haine. Et le plan que tu as échafaudé pour te venger et comment tu l'as appliqué de manière implacable et jusqu'au bout et d'en savourer les petites parties, en fait, ouais, ça a ravivé, ça l'a sorti de son apathie, c'est bien. Et peut-être ça qui. Pareil, oh, c'est horrible à dire, mais Ah, parce qu'il mais faut pas sortir du ça dit quelque contexte chose de de jeu. moi-même, on est d'accord. Mais ouais, il y a eu un moment de plaisir là-dedans, ouais. Après, je pense que c'est un peu désamorcé parce que le personnage de Pistache, même si c'est un salaud absolu, c'est aussi un personnage qui est humoristique. Oui. Donc, le fait de se venger sur lui et tout, de le Oui, voir se. c'est un petit moment de cartoon. Oui, C'est c'est vrai. ça, ouais. Je crois qu'ils arrivent même à sortir des punchlines tout en faisant ça et tout, donc vraiment Aussi quand tu pisses cette tâche. ça entre guillemets ça relativise un peu le truc, ouais. Mais bon, après moi j'ai hâte de voir ce qui va comment ce que comment on voit de vos relations avec les prochains goupilles que vous allez croiser, quoi. Yes. Est-ce que toi, il y a une scène qui t'a marqué, que tu as trouvé Alors attends que je fouille un peu dans la mémoire. que tu as trouvé plaisir à interpréter ou à voir se décrire? En dehors des scènes qu'on a parlé, Oh, il y en a plusieurs, mais j'ai bien aimé le duel, comment de, bah c'est intéressant parce qu'en fait c'est la scène du duel est intéressante parce que c'est une scène en fait où en fait les stars c'est les PNJ quoi. Parce que c'est deux PNJ qui sont en duel quoi. Mais en vrai comment le scénario vous propose totalement d'ingérer dans cette situation et finalement c'est les PNJ sont un peu vos marionnettes pendant le duel quoi. Et donc c'était rigolo de vous voir cogiter sur comment vous alliez influer sur le duel et tout, et puis de jouer et tout, de voir les implications. C'était assez fun et tout. Avec en plus les petits souvenirs quand tu tues. Que du coup, quand t'as provoqué la mort du chef des écorcheurs, donc j'ai pu juste son souvenir, et puis c'était mis un souvenir anodin, c'est pour ça que j'ai dit. Il se roule une Souvenir, clope. je roule une clope, voilà, c'est un souvenir qui est totalement. Alors que. Ça faisait miroir au fait que tu avais tué le précédent chef des écorcheurs, Oui. Cramoisi, quand tu allais sauver, quand tu allais Après libérer l'Onkiri, du coup, Erin. je m'en Oui, suis tapé trois. oui. Tu as tué trois chefs des écorcheurs, c'est pas mal, un beau grand chelem. Et puis du coup, le souvenir de Cramoisi était beaucoup plus. Ah oui. impactant et tout. Donc, vous pouvez s'attendre que Souvenir de Tonton Joey, là, le dernier chef des écorcheurs, ça va être pareil, un truc horrible. Et en fait, non. C'était juste un souvenir Oui. à la noix, quoi. Mais j'ai trouvé ça. C'était chou. Enfin, c'est peut-être bien aussi de temps en temps que ça soit quelque chose d'anodin. Oui, c'est ça, oui. Ouais, puis c'est compliqué. Après, je veux pas leur trouver des excuses, mais je voulais pas non plus faire des écorcheurs, des salauds absolus et purs. Tout le temps. Parce que c'est pas tout à fait le cas. Bon, on n'insiste pas trop sur leur passé, mais bah, en fait, s'ils détestent la milice, c'est pas pour rien, quoi. Ça fait partie des gens que la milice. En fait, c'est un La peu la tuer. milice qui les a fabriqués, parce que Ouais. c'est des marginaux qui se sont fait spolier d'une façon ou d'une autre au départ, et qui ont fini par se regrouper en troupes, et puis qui se sont montés le bourrichon entre eux, tu vois, pour dire que c'était eux contre le reste du monde, tu vois. Alors, ça les excuse pas, ça fait pas de des... Parce qu'ils s'en prennent pas qu'aux miliciens. Enfin, faut Bah non, aussi ça fait mettre pas d'eux des anges, ça. mais au départ, ce sont des opprimés, quoi. Ouais. Même si du coup ils deviennent, c'est vrai qu'à la fin ça devient des salauds absolus. Enfin, on l'a vu de toutes les façons, ils ont aucune loyauté, aucun honneur, rien du tout. Et puis effectivement, ils s'en prennent tout autant aux civils. Et encore, il y a eu des scènes vraiment atroces envers les civils qui ont été empêchées grâce notamment à vos actions. Bah, notamment le fait que vous ayez empêché la prise de la base ville, ça a évité de gros, gros, gros, gros ennuis aux civils. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez senti que vous aviez Un impact, ouais. de l'impact. Ouais. C'était compliqué de rédiger un scénario qui est un Mmh. scénario de siège. T'es petit péon au milieu Mmh. d'un grand tableau, quoi. Mais de faire en fait de vous donner des leviers, bon, ça peut, j'espère que c'était pas trop téléphoné non plus, mais de vous mettre à plusieurs moments au bon endroit au bon moment pour avoir un effet de levier dans un sens ou dans un autre, quoi. Mmh. Ouais, si, on voit quand même ce qu'on. Oui, ce qu'on a pu parfois un peu changer. Il y a quelque chose dedans, moi, qui me pose question. Dans la mécanique, dans les choix que font les personnages qui sont liés à l'auberge, donc Les chez dissidents, les ouais. dissidents, les Ouais. dissidents, avec les Qui deviennent des pragmatiques. Alors, pragmatiques, ouais. d'attaquer la milice pour lui prendre la bouffe, oui. Pour après livrer la ville. D'attaquer la milice et après livrer la ville ou rejoindre le camp des miliciens, Des écorcheurs, tu veux dire. des Pendant écorcheurs. Des écorcheurs pour bouffer, etc., en livrant les clés de la ville Ouais. ou quoi qu'est-ce. Je veux dire, tu comprends pas que les pragmatiques puissent penser que c'est Ouais, ce que de tuer les que tuer les miliciens et ensuite se livrer aux écorcheurs, ça puisse leur tuer apporter, les quoi. miliciens, prendre le pouvoir sur la Ouais. muraille, etc. Développer un système d'autogestion, etc. Complètement. J'étais turbo-gauchiste. Rejoindre le camp des miliciens alors qu'ils s'étaient battus 15 jours avant contre eux, pour sauvegarder leur maison et leur lieu de vie, etc. Moi, j'en ai quand des écorcheurs, ouais. Pardon, les écorcheurs, ça me. Tu trouvais ça un peu artificiel, quoi. Ouais, je trouve ça un peu artificiel. Alors, est-ce que c'est le temps qui fait que, du coup, ça m'a paru trop court? C'est ce que j'ai, c'est Ouais, ce que pour Erin a reproché à un des voir le personnages, glissement, ouais. pour voir ce glissement-là. Est-ce que c'est un autre argument ultérieur qu'il faut développer dans le sens d'avoir l'air de trahir sans être un trait de soi-même? Peut-être ce. Bah, Est-ce c'est que. ouais, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs. Enfin, ce que tu dis est intéressant, ouais. En plus, au cours du scénario, j'ai bifurqué parce qu'en fait, au départ, les pragmatiques et les dissidents, c'était pas les mêmes, forcément. Et puis, ça m'a paru quand même une évidence en jouant que c'est les dissidents. Donc, les dissidents, pour les auditeurs, je rappelle. C'est des gens qui combattaient la milice et qui voulaient s'organiser effectivement en groupe de défense populaire, quoi. Et les pragmatiques, c'est des gens qui décident effectivement, de carrément assassiner la milice dans le dos pour obtenir en fait la clémence des écorcheurs. Ce qui n'est pas le propos des dissidents. Les dissidents voulaient continuer à se battre contre les écorcheurs. Mais après, ça m'a paru logique, compte tenu des avaries qu'ils avaient subies, les dissidents, qu'il y ait ce glissement qui s'opère, en fait, dans le sens où, en plus, l'une des deux s'est fait torturer et tout, et qui commence à vraiment être désespéré, tu vois, et se dire, non, mais en fait, on n'a pas le choix, quoi. Mais c'est peut-être à travailler, quoi. Mais l'idée, c'est de montrer. Je pense quand même que je vais conserver le fait que ce soit les dissidents qui deviennent les pragmatiques, que ce soit pas un autre groupe. En plus, ça peut justifier beaucoup plus aisément Peut-être que les tu aies des mécanismes infos, quoi. de leur motivation, parce que alors je me trompe peut-être, mais je vois pas, enfin, comment dire, un exemple historique marquant. Pourtant, il y a des sièges, il y en a eu des terribles, hein, Des dans populations ou des lesquels. gens qui ont livré. Mais qui était d'abord Ouais. résistant, c'est pas qui était soumis, qui était résistant à l'intérieur d'une autre façon, et qui du coup aurait complètement retourné, y compris à livrer leur propre ville, etc., à l'armée ennemie. J'avoue que c'est presque un 360 degrés, enfin c'est Oui, voilà. mais enfin, je pense qu'il faut juste un petit peu développer leur argumentaire. Ouais. De toute façon, je cherche pas qu'il soit logique et tout, c'est juste. Ça, moi, ça me dérange pas forcément que les PNJ prennent des positions extrêmes. Vous en rencontrerez d'autres durant la partie. Oui, non, mais après Mais la travailler un peu plus le ouais. storytelling de c'est quoi ce revirement, qu'est-ce qui le justifie, Yes. ça peut valoir le coup. On va passer à la dernière question qui est eh bien, comment tu te projettes sur le scénario suivant? Bon, tu sais pas ce qui va arriver, bien sûr, mais l'évolution de ton personnage ou ton rapport au jeu, Ben, j'ai hâte de ou même des demandes que tu aurais à tester. moi en tant que MJ, quoi. J'ai hâte de tester. La Cet nouvelle. engagement dans cette voie-là, c'est-à-dire que j'ai hâte. Elle a changé de voie. Le personnage, faut qu'il vive cette transition. Du fait de passer d'une voie à l'autre, et que la voie dans laquelle il était, elle est totalement abandonnée. Donc peut-être, voilà, d'un point de vue jeu, en tout cas, ne plus faire référence à, voilà, à l'ancienne voie, et uniquement basé sur celle-ci. Donc ça m'ouvre des possibilités ou des axes de réflexion par rapport à ce que j'avais développé avant dans le personnage, sur l'importance de la voie. Et donc comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux m'en emparer dans un contexte nouveau? Donc là, on est sorti d'un lieu dans lequel on était depuis 3-4 scénarios. Donc là, on change de lieu, et je change de posture mentale. Et puis on va changer de genre. Donc c'est très très nouveau. Donc je suis très très curieux, en fait. C'est plutôt super. Ah, puis vous allez voir le scénario suivant, ça va être intéressant pour explorer l'évolution de vos personnages. Il y a quand même pas mal de nuances à voir dans le scénario suivant. Je pense que de mon côté, du coup, je vais ressortir mes notes sur la sorcellerie, parce que du coup, vous êtes à deux à fond dans la sorcellerie, donc il faut que je bosse un petit peu plus cet aspect-là. Bon, j'ai plein d'autres, hein, mais je pense que déjà dans un premier temps, je travaillerai peut-être sur cet arc que j'ai dit que. Parce que bon, je t'ai donné un prix à payer, il faut que justement je l'applique. Qu'il y a des sorciers qui vont rentrer en contact avec toi, ou avec vous deux, du coup, quoi. Qui a ce côté-là, qui va arriver, quoi. Les sorciers s'intéressent à vous, et avec les conséquences que ça peut avoir, quoi. Donc ça, après, ça va être un petit peu un arc secondaire en plus des scénarios quand même qu'il faut jouer, quoi. Mais je pense que ça va être intéressant d'explorer effectivement quand même faire progresser les personnages dans la magie noire, quoi. Bon, en plus, ça peut carrément influer parce que il y a un arc. En fait, après donc vous allez jouer un scénario qui va pas ensuite partir sur trois arcs. Donc, en fonction de vos choix de fin. Vous allez partir sur trois arcs, et il y a au moins un des arcs qui mais de beaucoup explorer le côté sorcellerie notamment. Yes. Mais bon, il est fort possible que pour d'autres raisons, vous préfériez explorer d'autres embranchements, mais je sais au moins qu'il y a un arc, et au moins un scénario, par exemple, qui pour moi est taillé pour Yavin. Que tu as déjà fait jouer? J'ai fait jouer. Ouais. Mais ça dépend si vous prenez la direction là ou pas, quoi. Ouais, Turian, du coup, la troisième question du débrief, c'est comment tu te projettes dans la suite? Dans ton personnage, dans le groupe, dans le jeu. Est-ce que tu as des demandes particulières aussi? C'est peut-être, j'ai pas tout entendu, mais j'aimerais bien peut-être qu'au prochain scénario, mon personnage puisse trouver une mission de vie, un destin, parce que je les avais perdus en effet Ouais. quand Ombre s'est sacrifiée. Et puis bah, avec d'abord le bouleversement de ce qui bah, de l'événement, puis on a enchaîné sur le siège, il n'y a rien qui permettait. De Ouais. réasseoir quelque Ouais, chose. tandis que là, normalement, il va y avoir une phase de voyage, Ouais. d'errance avant le prochain scénario. Donc, profitez de ce voyage pour Ouais. effectivement reset Ouais. le perso. C'est ça. Là, c'est Ouais. ça dont Parce que j'aurais sinon, tu vas besoin. avoir du mal à jouer. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est. Ouais. De Oui, repositionner un c'était tout petit le temps. peu. Si le personnage est tout le temps mis sous pression, Voilà, c'est ça. Et comme là, comme tu je pourras pas te disais, saisir il y a pleinement les de ce événements changement. qui boulent. Enfin, voilà, c'était vraiment uniquement des réactions aux événements, quoi. Il n'y avait pas vraiment Ouais, de prise de peut-être décision. qu'on verra, mais peut-être ça vaudra le coup de faire un petit interscénar, effectivement, de jouer le voyage jusqu'à la prochaine destination pour effectivement faire un truc Repositionner, ouais. un peu calme et puis surtout de réagencement des deux personnages C'est un là, quoi. loup-garou mort-vivant, Ouais, c'est ça. Alors, faut que je fasse gaffe parce que si je fais un truc avec des ça. tirages aléatoires, si le tirage peut toujours me sortir des Oui, c'est ça. dingueries, quoi. C'est possible. Le voyage, c'est pas Je te toujours. retourne la question. Est-ce que toi, il y a des. Comment est-ce que tu te projettes pour la suite? Comment est-ce que tu vis dans le groupe également? Bah déjà, je suis content parce que là, on a fait le scénario Siège de Normand-Ferrand. Je l'ai fait jouer qu'en one shot, mais je n'ai jamais fait jouer dans le cadre de la campagne, donc c'était super intéressant. Et forcément plus intense trouver en campagne qu'en one shot quoi. Et là du coup on va repartir par contre sur un scénario qui est pivot donc tous les groupes enfin, quand tu joues la campagne tu es obligé de faire le scénario qu'on va faire donc je suis pas surpris par ce qui va se passer quoi mais du coup là où je suis curieux c'est de voir effectivement. Ben, est-ce que le groupe peut tenir et tout? Est-ce qu'on va réussir à maintenir les personnages? Puisqu'il y a quand même cette tension, effectivement, de que les personnages deviennent injouables parce que trop abîmés, plus de relations. Là, par contre, on a quand même un truc que j'ai jamais vu. C'est une totale. Alors, tabula rasa des PNJ, quoi. C'est-à-dire que tous vos PNJ liés, ils ont tous dégagé, d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on élucide un truc, c'est que du coup, le bébé de la femme oiseau, il est parti chez les écorcheurs, parce que du Ben oui, coup, c'est comme clairement, je me suis dit. l'aubergiste, elle s'est rendue aux écorcheurs. Ouais. Donc, et après, la question, ça va être juste de savoir est-ce que Erin et Néné veulent savoir ce que ce bébé est devenu, ou est-ce qu'elles préfèrent tracer leur route, quoi. Je vais répondre pour Pour... Erin. Ouais. Tu tailles la route, toi. Je ne suis pas en train d'Erin attachée au bébé. J'aurais pu, mais Ouais. c'est devenu une espèce de créature de néné par substitution après le petit loup, après Blaze. Donc du coup, je ne me suis pas attaché avec. Et la strige était plutôt liée à néné qu'à Erin. Et donc, je ne me suis pas attaché. Et j'ai décidé que ceux qui avaient retourné leur veste, en tout cas... Aux yeux d'Erin, juste, zut, voilà. Y compris le bébé qui a demandé. Moi, tout le contraire, si. Je serais tenté de faire Ouais, demi-tour pour bah, essayer de je sais pas si retrouver le on peut gamin. faire demi-tour, c'est peut-être beaucoup parce que là, on est dans une situation, mais c'est vrai que. Enfin, je sais pas comment on pourrait, ça va dépendre aussi de ce qui se Ouais. présente dans le scénario, mais. Je crois que c'est peut-être un truc qu'on devrait élucider Ouais. effectivement en démarrage C'est quelque de. chose que, ouais, que j'aimerais bien Ouais. régler aussi. Ouais. Bon, c'est pareil, c'est vrai que ça fait toujours repousser, enfin, ça fait gonfler un peu la durée de jeu, mais je pense que ce serait pas déconnant qu'effectivement on fasse une interpartie vraiment propre. Je dis pas une séance entière, mais facile, une demi-heure, 1 heure. Pour résoudre, clôturer certains enjeux, tu vois, avant de repartir sur le gros scénario final de la campagne, quoi. Yes, ben c'est pas mal du tout, là. Je pense qu'on va souhaiter bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit.